À l'occasion du 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration conjointe du 4 juillet, le journal de Myanmar, Weekly Headline, et les homepages internet du Comité national nigérian d'études de Kim Il-sung, Kim Jong-il et de l'Association d'amitié France-Corée ont inséré des articles. Ils qualifient la déclaration conjointe du 4 juillet de fruit précieux de la pensée du président Kim Il-sung, soleil de la nation, en matière de réunification indépendante coréenne et de son noble patriotisme. Il souligne que ses idées et exploits accomplis pour la réunification de la Corée ont continué et continuent invariablement grâce à son excellence Kim Jong-il et au dirigeant suprême Kim Jong-un.